فقد صح في الحديث النبوي أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يكره الفاحش البذيئة. لا يكفي الإيمان وحده، بل لا بد من الخلق، لا بد من المعاملات الطيبة. لهذا عباد الله أحببت في هذه العجالة أن أذكر الحقوق التالية: حق المؤمن على المؤمن، وحق المؤمن على الكافر، حق الكافر على المؤمن، وحق الجار على جاره، وحق الزوج على زوجته. هذه العناصر أحاول بتوفيق الله جل وعلا أن أبين ما اشتملت عليه من الأحكام التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما في؟ نعم شيخ. في. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Donc, la conférence d'aujourd'hui, comme le frère il a précisé tout à l'heure, portera sur le comportement d'une manière générale. Et le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il dit, après avoir loué Allah Subhanahu wa Ta'ala et prié sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc le sujet d'aujourd'hui portera sur le comportement venu dans le hadith al-Sahih. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'ad: crée Allah où que tu sois et suis le bon action, suis de la mauvaise action d'une bonne action. Puis donc le conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ses sahabis est un conseil qui est général et il renferme tout le bien qui peut exister. Donc Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence dans ce wasiyah, c'est-à-dire dans ce conseil-là, par le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le droit d'Allah, c'est le droit le plus important qu'il est obligatoire à chaque musulman justement de le donner. Puis Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il poursuit par cela le droit des créatures. Dans sa parole, « Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan » c'est-à-dire « Sois bienfaisant avec les gens, avec le bon comportement. » Et la religion de l'islam, comme tout le monde le sait, est une religion de comportement. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih: « On m'a envoyé pour parfaire le comportement. » Et Nabi Sassam dit aussi dans un hadith sahih: la chose la plus lourde sur la balance sera le bon comportement. Donc Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, dans cette conférence-là, il dit, il va citer quelques droits, parmi elles, le droit du musulman avec le musulman. Puis Cheikh, et le droit du mécréant envers le musulman, le droit du voisin avec son voisin, et le droit des deux époux. Ay na'am. Awalan, haqq al-mu'minin, ibad Allah. Fa min huquq al-mu'min على أخيه المؤمن، أو من حق المؤمنين أولا محبتهم، أولا محبتهم في الله جل وعلا، وهذا من الولاء والبراء، وهذا من الولاء والبراء، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الحب في الله والبغض في الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تتحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. فمحبة المؤمن لأخيه المؤمن من أوجب الواجبات، وهذا كما قلنا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد جاء في الحديث القدسي الجليل عن رب العزة والجلال، يقول الله جل وعلا: وجدت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان متحابين فيما بينهم. وهذا الحق عباد الله من أعظم الحقوق، ثانيا مناصرتهم ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في حياتهم وفي دينهم وفي دنياهم. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ثالثا التألم لألمهم والسرور بسرورهم. قال صلى الله عليه وسلم: مدى المؤمن في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. ثالثا النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رابعا احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما مبينا وقال صلى الله عليه وسلم من بايعته فقل له لا خلابة أي لا خديعة خامسا أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال جل وعلا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فهذا مما يستوجب على المؤمن نحو إخوانه المؤمنين أن يؤثرهم على نفسه وأن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد واختصروا في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم هكذا مما يجب يا عباد الله مما يجب على المؤمن نحو إخوانه المؤمنين سادسا زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم ففي الحديث القدسي قال الله تعالى وجدت محبتي للمتزاورين فيها فالمؤمن يزور أخاه المؤمن ويجالسه والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وفي حديث آخر أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا فسأله أين تريد قال أزور أخا لي في الله قال هل لك عليه من نعمة تربها علي قال لا غير أنني أحبه أو أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه فالحب في الله والبغض في الله لا من أجل دنيا ولا من أجل منصب لا كما يفعل الكثير منا عباد الله يلقاك فيقسم أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب سابعا احترام حقوقهم يدي أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يتعرض لما سبق إليه من المبيحات. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. هذا إذا تم البيع، إذا تم البيع فلا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك. كأن تأتي إلى البائع مثلا وتقول له بكم بعته، فيقول لك بعته بمئة كذا وكذا، بمئة دينار، فتقول له ارجع ما بعته له وأزيدك في الثمن. أو تأتي إلى التاجر الذي باع لأخيك شيئا فتقول له رده علي وأنا أزيدك في الثمن. فهذا مما حرمه شرع الله جل وعلا، لأن هذا يؤدي إلى القطيعة ويؤدي إلى العداوة ويؤدي إلى الشحناء وكل ما فيه عداوة وكل ما فيه من البغضاء أو ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء، فإن الإسلام يمنعه ويحرمه. وقال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذا إذا تمت الخطبة. وفي رواية لمسلم ولا يثم على صومه. ثامنا الرفق بضعيفهم وتوقير كبيرهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم صفة الخلق واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تاسعا الدعاء لهم والاستغفار لهم. قال جل وعلا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم عباد الله، فهذه بعض الحقوق التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يعامل المسلم المؤمن أخاه المؤمن. نعم Donc, si vous pouvez avancer un petit peu, les frères, si vous pouvez avancer un petit peu, il y a des gens derrière vous. Shukran. Donc, le cheikh continue en disant le droit des croyants. Première catégorie, c'est le droit du croyant sur le croyant. Il dit il y a le fait de les aimer, d'aimer les croyants pour Allah. C'est ce qu'on appelle l'adwala wal-bara, l'alliance et le désaveu, qui est un fondement. Chez les gens de la sunna, fondement très important. Asl min al-usul. Il dit donc, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'anse la plus solide de la foi est le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah. Et il a également dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, vous ne rentrerez pas, vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous vous aimiez, jusqu'à ce que vous vous aimez. Et vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Et vous ne serez pas véritablement croyant jusqu'à ce que vous vous aimiez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique quelque chose? Que si vous le mettez en œuvre, en application, vous vous aimerez les uns les autres. Afshu salam abaynakum, passez-vous les salutations les uns les autres. Le fait que le croyant aime son frère, fait partie des plus grands fondements des gens de la sunna, puisque ça revient à ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu. Dans le hadith divin c'est quoi? C'est les paroles d'Allah. Quand on dit un hadith divin, c'est les paroles d'Allah. Allah dit dans le hadith divin, وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَبِّينَ فِي. C'est-à-dire que mon amour va se concrétiser pour les gens qui s'aiment pour moi. Mon amour va se concrétiser, va se réaliser de la part d'Allah envers la créature pour que, en faveur des gens qui s'aiment pour moi, les croyants qui s'aiment les uns les autres pour moi, et les gens qui s'accompagnent les uns les autres, qui s'accompagnent les uns les autres pour moi. Cela fait partie des plus grands des droits. Donc ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2 dans le droit des croyants, le fait de les secourir avec les biens, avec les corps, avec le, avec le fait de les secourir, se secourir les uns les autres avec les biens, avec les corps, aussi bien dans le domaine religieux que dans le domaine de la vie quotidienne. Allah dit dans le Coran, dans la sourate numéro 9, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Les croyants et les croyantes, les uns les autres, sont alliés. Et il dit à la fin de la sourate numéro 8, وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. À la fin de la sourate numéro 8, dans le verset numéro 72, et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, alors à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes lié par un pacte. Sourate numéro 8, verset 72. Également, le troisième point, c'est le fait d'être joyeux et heureux quand les croyants sont heureux, et le contraire, malheureux quand les croyants sont malheureux. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple, la parabole des musulmans dans l'amitié qu'ils ont les uns envers les autres, la clémence qu'ils ont les uns envers les autres et la tendresse qu'ils ont les uns envers les autres. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. C'est comparable à un seul corps. إذا اشتكى منه عضو, quand un des membres se plaint, c'est tout le corps qui se sent mal. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant envers le croyant est tel que la construction qui se tient les uns les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un geste avec ses mains comme ça, shabbaka bayna asabi'i. Il a réuni ses doigts comme ça pour montrer qu'ils sont une seule unité. Également, il y a parmi les droits le fait de s'entre-conseiller les uns les autres. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hadith de Anas chez le Bukhari et Muslim. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman est le frère du musulman, il n'est pas injuste envers lui, il ne l'avilie pas, jusqu'à ce qu'il a dit le musulman envers le musulman, c'est bien, son sang est sacré, c'est bien son sacré et également son honneur est sacré. Il a dit dans un autre hadith, ne vous détestez pas les uns les autres. Et que l'un d'entre vous ne soit pas envieux, que les uns ne soient pas envieux envers les autres, et soyez des frères unis, s'aimant et ayant une fraternité les uns envers les autres. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous trahit ne fait pas partie de nous. Et dans une autre version, il a dit celui qui trahit, man rashana falaysa minna. Et dans une autre version, il a dit man rasha falaysa minna. Celui qui trahit ne fait pas partie de nous. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion, c'est le conseil. Trois fois. Ils ont dit pour qui, ô messager d'Allah? Il a dit pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les dirigeants des musulmans et pour la populace. La populace, c'est-à-dire la masse des musulmans. Quatrième point, il y a le fait de les respecter. Les croyants, les croyantes, les musulmans et les musulmanes se respectent les uns les autres et ne s'habilisent pas les uns les autres. Comme Allah a cité ça dans le Coran dans la sourate numéro 49, les versets numéro 11 et 12, de traduction approchée. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Quel vilain mot, que perversion lorsqu'on a déjà la foi, l'iman. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont des injustes. Ensuite il dit, ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est péché. Conjecture c'est advan, le fait de penser sur les autres des mauvaises choses. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir et très miséricordieux. Sourate 49, versets 12 et 13. Cinquième point, il dit le fait d'être avec eux, aussi bien s'ils sont en état de difficulté qu'en état de facilité. Dans le verset, Allah dit dans le Coran, sourate numéro 5, et entraînez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraînez pas sur le péché et la transgression. Et Allah dit dans le Coran, sourate 48, verset numéro 29, Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, ils sont rudes, durs envers les mécréants. Ashidda'u al-kuffar, rahama'u bainahum, ils sont cléments et miséricordieux, tendres les uns envers les autres. Et dans la sourate 59, un autre verset, c'est-à-dire que les croyants font prévaloir leurs frères les uns sur les autres. Même il a besoin de quelque chose, mais il fait prévaloir quelqu'un d'autre là-dessus. Voilà le fait de les faire prévaloir en état de difficulté et en état de facilité. Donc ensuite il cite un hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit les Ash'ari. Donc comme c'est un mot qui est équivoque, je vais demander qu'est-ce que ça veut dire. Il me dit que ça correspond à une tribu médinoise. Comme vous connaissez tous le compagnon Abu Musa al-Ash'ari, Abdallah ibn Qais al-Qahtani, qui est donc Abu Musa al-Ash'ari. Donc c'est une attribution à une tribu. Il dit Al-Ash'ariin, quand ils n'avaient pas grand chose, s'entraidaient les uns avec les autres et se lavaient même d'un seul et même récipient, ce qui montre cette fraternité en application et en œuvre. Également le sixième point, le fait de se visiter et le fait de vouloir se rencontrer les uns les autres. On a cité le hadith avant, le hadith Qudusi, le hadith divin, la parole d'Allah, mon amour va se concrétiser envers les gens qui se visitent pour moi. Les gens se visitent, les musulmans se visitent les uns les autres pour satisfaire Allah. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est sur la religion de son compagnon, de son ami. Que chacun d'entre vous regarde qui c'est qu'il prend comme ami, comme compagnon. Et dans le hadith, il est venu, un homme a visité un de ses frères en Allah. C'est-à-dire, ce n'est pas un lien de sang qu'il y a l'un avec l'autre, mais ce qui les a réunis, c'est la conviction, la fraternité en islam. Un ange est venu à lui, il lui a demandé, est-ce que tu as un intérêt envers cette personne? Il lui a dit non. Il lui a dit, je l'ai visité, je suis allé le voir parce que je l'aime en Allah. Ce qui nous a réunis, c'est la fraternité religieuse. Donc l'ange lui a dit, je suis le messager d'Allah. Je suis le messager d'Allah à toi qui vient t'informer qu'Allah t'aime. On a également ceux qui te disent, Yanni le chef nous dit, il faut chacun se remettre en question parce que tu vois des gens, et peut-être nous on fait partie d'eux, qui te disent, je te fais confiance, je te donne toute ma confiance et je crois à ce que tu me dis. Alors qu'il dit c'est un scorpion. C'est un scorpion et derrière le dos il devient un renard. Donc il dit, il y a également parmi les points le numéro 7, le fait de ne pas vendre sur son frère. Qu'il explique par exemple par le fait que si une vente a été conclue, ton frère a acheté quelque chose chez quelqu'un, il lui a vendu par exemple 100 dinars. Et tu vas chez le vendeur, le commerçant, et tu lui dis, la marchandise que tu as vendue à un tel m'intéresse bien. Récupère-la et moi je te la prends pour plus cher. Alors que la vente a été conclue est terminé. Ça c'est interdit. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne vende pas sur son frère ou qu'il n'achète pas sur l'achat de son frère. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, ça engendre la haine, ça engendre la rupture, ça engendre des coupures, etc. Et l'islam a interdit ce type de choses. Également, le fait de demander une femme en mariage, si quelqu'un t'a précédé à cela, et si la demande de mariage a été conclue également, ça devient interdit d'aller demander cette femme-là. Huitième point, le fait d'être doux avec les faibles et respectable et de respecter les gens qui sont âgés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Hal tunsaruna illa bidu'afaikum", vous ne serez secourus qu'à travers les gens qui sont faibles au milieu de vous. Donc il ne faut pas les avilir ou les sous-estimer. Également, Allah dit dans le Coran "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi". Il dit patiente. Sourate 18 verset numéro 28, faites preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Il dit donc voilà, point numéro 9, dernier point, point numéro 9, le fait d'invoquer en faveur, des autres, que les musulmans s'invoquent les uns en faveur des autres, invoque Allah les uns en faveur des autres et demande le pardon les uns en faveur des autres. Allah dit dans le Coran وَاسْتَغْفِرِ ذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Il a dit demande pardon à Allah à propos du péché que tu as commis toi et aussi en faveur de tes frères. Et il dit dans un autre verset, dans la sourate numéro 59 verset numéro 10, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, ce qui montre la fraternité et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru jusqu'à la fin du verset. Sourate 59, verset numéro 10. Il dit donc voici quelques versets du Coran et du Coran, et voici quelques hadiths du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je le laisse continuer, inshallah. Ahsant. Non. هذه معاملة المؤمنين وأما معاملة الكفار فإليك بيانها مما يجب اعتقاده أولا أن سائر الملل والأديان باطلة وأن أصحابها كفار إلا الدين الإسلامي فإنه دين الحق وأصحابه هم المسلمون المؤمنون وذلك بقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وقوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار فهذه الأخبار الإلهية السابقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام وأن الإسلام هو دين الحق وهو دين البشرية جمعاء إلا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه ولا يرضى بشرع سواه ومن هنا عباد الله كان على المسلم يرى أن كل من لم يدن لله جل وعلا بالإسلام فهو كافر ويلزم حيال الكفار الأمور التالية أولا عدم إقرارهم على الكفر وعدم الرضا به، إذ الرضا بالكفر كفر. ولهذا جاء في نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. ثانيا بغضهم ببغض الله جل وعلا، إذ الحب في الله والبغض في الله من أصول هذا الدين وركائزه، إذ لا يتم إيمان العبد عباد الله إلا بأن يكفر بالكافرين وأن يبغضهم في الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله، التي تعني لا معبود بحق إلا الله، ويدخل في معنى لا إله إلا الله الولاء والبراء، أن تبر من أهل الكفر وأن تبغضهم في الله جل وعلا ما دام الله قد أبغضهم بكفرهم به أو لكفرهم به. فالمسلم يبغض الكافر لبغض الله لهم. ثانيا عدم موالاتهم ومودتهم، لقوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولقوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثالثا دعوتهم إلى الإسلام، لا يقال بما أنهم أعداء لنا وأنهم كفرة فلا علاقة بيننا وبينهم ولا نؤدي لهم ما لهم علينا، بل الواجب عباد الله أن ندعوهم إلى الإسلام، خاصة في هذا الزمان لما في ذلك من الخير لنا ولهم ولما في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فمع شريف مرتبته ورفيع منزلته وعظيم مكانته صلى الله عليه وآله وسلم قام بزيارة ذلك الغلام اليهودي المريض الذي ليس له حظ من مال أو جاه، كما جاء في الحديث الصحيح أنه دخل عليه وهو على فراش الموت قال له صلى الله عليه وسلم: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال له أبو: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لك من حمى النعم. فالواجب علينا عباد الله أن نحبب إليهم الإسلام، وأن ندعوهم إلى دين الله جل وعلا، دون إعطاء الدنية في ديننا. ولا يظن أحد أن هذا أو أن ذلك ينافي مع مبدأ الولاء والبراء، فذلك ظن في غير محله. فدعوتهم إلى الإسلام وتحبيبهم إليه من الولاء لدين المسلمين، ومن البراءة لدين الكافرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من المرسلين أنهم جاءوا دعاة ومبشرين ومنذرين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة أجمعين، وأمر الله جل وعلا أن يبدأ بدعوة قومه الذين عبدوا الأصنام من دون الله جل وعلا، وصرفوا لها العبادة، فذبحوا لها واستغاثوا بها ولجأوا إليها عند الشدائد. فكانت دعوة صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية جميعا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم مع الله عز وجل. فلا بد من دعوة الكفار عباد الله إلى دين الله جل وعلا، لأننا دعاة خير ونريد الخير للبشرية جميعا. فهذا من الواجب علينا أن نحبب لهم الإسلام. وأقولها بصراحة وللأسف الشديد، إننا لا نحسن عرض الإسلام كما ينبغي، لا نحسن عرض الإسلام كما ينبغي، بل إن الكثير من المسلمين من بغض هؤلاء في دين الله جل وعلا، لأنه أعطى صورة سيئة عن الإسلام. وأعداء الإسلام دوما ينظرون إلى الإسلام من خلال المسلمين، فيقولون: لو كان في الإسلام خيرا لنفع المسلمين، لو كان في الإسلام خير لنفع المسلمين. وقال أحدهم: الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. كثير من المسلمين أعطوا صورة سيئة عن هذا الدين، ونحن إذا ذهبنا إلى السجون لوجدنا أن الأكثرية من أبناء المسلمين، من أبناء المسلمين منهم من دخل السجن من أجل المخدرات، ومنهم من دخل السجن لأنه يسرق سارق، ومنهم من دخل السجن لأنه قاتل. فأعداء الإسلام نظروا إلى هذا الدين من خلال المسلمين. ولهذا أقول عباد الله إن القدوة والأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس زيدا أو عمرا. فالقدوة والأسوة هو رسول الله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإسلام الحق هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يمثل الإسلام، وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا بد من دعوة عباد الله إلى هذا الدين، وأن تكون دعوتنا لهم بالحكمة كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله إنه في حياة من الإسلام، لكن للأسف الشديد كما قلت آنفا نحن لا نحسن عرض الإسلام كما ينبغي. أسأنا إلى الإسلام من حيث ندري أو لا ندري، والله المستعان. خامسا، إنصافهم والعدل معهم واسداد الخير لهم إن لم يكونوا محاربين، لقوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فقد أباحت هذه الآية الكريمة الإقساط إلى الكفار، ومعنى الإقساط هو العدل، لا تظلمه في ماله ولا في عرضه ولا في دمه، وإنصافهم وإسداد الخير لهم. ولم تستثني من الكفار إلا المحاربين فقط، فإن لهم سياسة خاصة تعرف بأحكام المحاربين. سادسا، عدم أذيتهم في أموالهم أو دمائهم إن كانوا غير محاربين، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة والجلال: يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولقول صلى الله عليه وسلم: من آذى ذمية كنت خصمه يوم القيامة. سابعا، رحمتهم بالرحمة العامة كإطعام جائعهم ومداواة مريضهم، هذا لا يمنعنا منه الإسلام يا عباد الله، كإطعام جائعهم بالرحمة العامة ومداواة مريضهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال جل وعلا واصف النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه في غزوة أحد وسالت دماؤه مرزارا ومدرارا، فكان يدعو ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ويوم الفتح كان صلى الله عليه وسلم في استطاعته أن يسيل الدماء مرزارا ومدرارا، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عباد الله الواجب علينا أن نرحم الكفر بالرحمة العامة. ثامنا، جواز الإهداء إليهم وقبول هديتهم وأكل طعامهم المباح إن كانوا من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا. قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فذبائح عن الكتاب إذا كانت مذبوحة بالطريقة المشروعة بالطريقة المعروفة عندنا، أما إذا كانت مشروعة أو مخلوقة فلا توكل لأنها ميتة، لكن لو ذبحها بالطريقة الشرعية فذبائح أهل الكتاب أحلها الله جل وعلا لنا، وذلك بقول جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والطعام هنا الذبائح، لكن من فسره الروافض يقول الطعام هنا بمعنى الفواكه، وهذا تفسير ما أنزل الله به من سلطان. الطعام الذبائح، فذبائح الكتاب حلال. ومما يدل على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى طعام يهود المدينة فيجيب الدعوة، وقد ورد أن صلى الله عليه وسلم دعته امرأة، وكان صلى الله عليه وسلم من عادته يحب الكتف، وقد سممتها حشتها ثم، وهذه من المعجزات الثابتة الواردة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لما أخذ صلى الله عليه وسلم الكتف وإذا بالكتف يقول أو الشاة تقول: لا تكن فإنني مسمومة، ومع ذلك لم يقتلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاف عنها. فكان صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة ويأكل مما يقدر له من طعامهم. تاسعا، التبادل التجاري معه والشراء منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وكذلك عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها، فهذا ليس من الموالاة ولا المحبة، وإنما هو تبادل، تبادل مصالح. كذلك الاستدانة منهم، نعم يجوز المسلم أن يستدين من الكافر، فقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود طعاما ورهن درعه صلى الله عليه وسلم عنده، استدان صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهن درعه عنده ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي لطعام اشتراه لأهله، ليبين لنا هذا عباد الله من فعل صلى الله عليه وسلم، ويتضح ويتضح لنا أنه لا مانع من التعامل بيننا وبين اليهود في مصلحة لنا ولهم وبالكفار يعني عامة، فالتعامل معهم فيه ما يحقق الخير لا بأس به. الرسول كان يستطيع أن يستدين من غيره من أصحابه وليس من اليهود، كان صلى الله عليه وسلم يريد لو أراد أن تحول لو جبال مكة ما هب لحولت إليه، ولكن فعل هذا صلوات رب وسلامه عليه فيه بيان لهذا الحكم الشرعي أنه يجوز للمسلم أن يستدين من الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا. عاشرة، لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا إلى المسلمين، لا مانع أنهم يكافئون على يعني إحسانهم. قد قال جل وعلا في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. 11، أباح الله لنا التزوج التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن تكون عفيفة في عرضها أن تكون عفيفة في عرضها. ونصيحتي إليكم أخوتي في الله على المسلم أن يجتهد في الحصول على المرأة المسلمة لأن العفاف في هذا الزمان قل. يشترط في الكتابية أن تكون حرة وأن تكون عفيفة بقول جل وعلا والمحصنات المؤمنات من المؤمنين من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب من قبلكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب من قبلكم. وقد فسرت كلمة الإحصان بمعنيين فسرت بالحرية أن تكون حرة بمعنى لا تكون أنا وفسرت بالعفيفة نعشر الوالد الكافر يجب على ولد المسلم أن يبر به لكنه لا يطيع في الكفر لقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصال في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطحهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهذه في هذه الآية الكريمة في حكم شرعي عباد الله أن الوالد وإن كان كافر أو الوالد وإن كان كافرة فالواجب عليك أيها المسلم أن تبر بهما رغم كفرهما فكفرهما لا يمنعك من الإحسان إليهم لأنهم هم السبب في وجودك فتحسن إليهم نعم وتبر بهم. يقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصال في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك أي بدل ما في وسعهما جاهداك على أن تشرك بي فلا تطحهما لا تطحهما في الكفر لا تطحهما في المعصية إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالوالد له حق وإن كان كافرا لكن لا تحبه المحبة القلبية. أما المحبة الطبيعية كوالد وكزوجة لا تؤاخذ بها المحبة القلبية. ولهذا يجب أن نعرف معنى الموالاة هي المحبة القلبية. أما الإحسان أما المعاملة الطيبة فهذا ليس من الموالاة في شيء. فعليك أن تكافئه على تربيته لك وإنه والد فله حق تكافئه على ذلك. فهذه علاقة المسلمين بغيرهم فهي علاقة تعارف أي بغيرهم من الكفرة. فالعلاقة بيننا وبين الكفار علاقة تعارف لتعارفوا إما أكرمكم عند الله أتقاكم تعارف وتعاون وبر وعدل. ومن مقتضيات هذه العلاقة تبذل المصالح والمنافع وتقوية الصلات الإنسانية. هذا ما أحببت أن أذكره فيما تعلق في حقوق الكافر على المسلم، والله أعلم بالصواب. ترجم أنت أو يترجم هو؟ ها؟ عفاه الله وشفاه. خلاص. نعم. Après ce passage-là, on va faire la prière, inshallah, et on s'arrêtera là parce que on est bien avancé. C'est bientôt l'adhan. أيوة نحن تكلمنا ساعتين. لا ما تكلمنا ساعتين لكن تأخرنا في الابتداء. أيوة. وفي الانتهاء. طيب. Les sœurs, si vous pouvez essayer de faire un peu moins de bruit avec les enfants et tout ça, ce serait très bien. Non. Donc on continue avec les droits des mécréants sur les musulmans. Deuxième point. Avant cela, il faut savoir que toutes les convictions et toutes les religions qui sont autres que celles de l'islam sont fausses. Il faut considérer toute personne qui n'est pas musulmane comme étant mécréante, non musulmane. Ça c'est ce dont on parlait avant, le fondement de l'alliance et le désaveu. Allah dit dans le Coran, sourate numéro 3, le sens, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et dans un autre verset, dans la même sourate, il dit, celui qui recherche autre que l'islam comme religion, cela ne sera pas accepté de sa part le jour de la résurrection, il sera parmi les perdants. Et dans la sourate 5, au début, il dit également, aujourd'hui j'ai complété, j'ai parachevé pour vous votre religion, complété sur vous mon bienfait et agréé l'islam comme religion pour vous. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, n'entendra pas parler de moi quelqu'un, juif soit-il ou chrétien, sans qu'il ne croie en moi-même, sans qu'il ne soit un adepte de l'enfer. Donc ça c'est des informations divines, véridiques, des versets du Coran, du Coran et des hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les législations avant l'islam sont mansoukha, sont abrogées. La législation en vigueur au jour d'aujourd'hui, c'est la législation de l'islam. Allah n'acceptera rien d'autre comme religion et comme législation. Donc le musulman, le croyant doit savoir cela. Des droits envers les mécréants, il y a premièrement le fait de ne pas agréer cette mécréance. Car le fait d'agréer la mécréance, d'en être satisfait, c'est de la mécréance en elle-même. Il est venu dans le livret de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi rahimahullah, qui s'appelle les annulants de l'islam, la waqid al-islam, les 10 annulants de l'islam. Il a cité dans un des annulants celui qui ne rend pas mécréant les mécréants, ou bien qui considère que leur voix est juste. Il est madame yakfir al-muslimin lal kafirin ou sahaha ou sahaha madhhab ou shakka, ou bien qui a un doute, qui a un doute à propos de leur mécréance, à propos de leur mécréance, bah kafir kaza kafir, il est mécréant. Et il y a unanimité à ce sujet là donc il faut détester les mécréants, puisque Allah les déteste, comme il nous a informé dans le Coran. Il dit par exemple dans la sourate numéro 2, verset numéro 256, celui qui mécroit au Tarout et qui croit en Allah a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se détacher ou se couper. Et il dit, ceci est le sens de la ilaha illallah, ce verset que je vous invite à voir, sourate numéro 2, verset 256, est le sens de la ilaha illallah, il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah seul. Et rentre donc dans ce point-là le fondement qu'on a vu avant et qu'on répète encore une fois, qui est l'alliance et le désaveu. Deuxième point, le fait de ne pas les prendre comme alliés. Allah dit dans le Coran, sourate numéro 3, verset 28, le sens que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. À moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Et donc, également, Allah dit dans le verset, dans la sourate numéro 58, verset numéro 29, le dernier verset, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère, ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, qui que ce soit ces gens-là. Sourate 58, verset numéro 22. Troisième point, il y a le fait de les appeler à l'islam. Et de ne pas dire ce sont des mécréants, donc il n'y a aucune relation entre nous et eux. Il faut les appeler à l'islam, surtout à notre époque. Nous avons un bon exemple à suivre dans le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré le degré qu'avait le messager, la place qu'il avait dans la nation, il a visité un enfant juif qui n'est pas quelqu'un qui avait un jah, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un de un notable, quelqu'un qui avait une grande valeur dans la nation ou bien quelqu'un de riche. Mais il est rentré chez lui et il l'a invité à l'islam. Il lui a dit, rentre dans l'islam, eslim. Et cette personne-là, cet enfant-là, a regardé son père qui lui a dit, Ata' Abel Qasim. Abel Qasim, c'est le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, obéis au messager, sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant a prononcé la shahada, les deux témoignages, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah, c'est à travers ça qu'on rentre dans l'islam, et il est décédé. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, louange à Allah, alhamdulillah, il a dit, anqadahu min an-nar. Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. Et dans le hadith, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, son cousin et la femme, le mari de sa fille. Il a dit à Ali radiallahu anhu, si Allah ne guide à travers toi qu'une seule personne, c'est mieux pour toi que les chamelles rouges. Savoir que les chamelles rouges, c'était quelque chose qui avait une grande valeur à cette époque-là. Donc il faut leur faire aimer l'islam. Il faut leur faire aimer l'islam, mais attention, il ne faut pas avilir notre religion. Et ceci n'est pas contraire au fondement de l'alliance et le désaveu. Car le fait de les appeler à l'islam, au contraire, c'est une alliance à l'islam. Puisque tu aimes l'islam et tu considères que l'islam est vrai et juste, et que la mécréance elle est fausse, donc tu cherches à les faire sortir du faux vers le vrai. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui l'ont précédé, les prophètes et les messagers avant lui, ont appelé à cela. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé par son peuple, qui adorait quoi ? Des statues. Ils ont égorgé pour leurs statues, ils ont fait beaucoup d'actes d'adoration. Et il leur a dit, « Ô mon peuple, dites la ilaha illallah, vous réussirez. »« Ô mon peuple, dites la ilaha illallah, vous réussirez. » Et dans le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « On m'a ordonné de combattre les gens, jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il y a de digne d'être adoré qu'Allah, et que je suis le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat, la prière, et qu'ils s'acquittent de la zakat. Lorsqu'ils auront mis en application cela, ils auront mis à l'abri de moi leur bien, leur sang et leur bien, et leur jugement incombera à Allah. Donc nous sommes des prêcheurs de bien. Je dis clairement, nous ne savons pas exposer l'islam comme il le faut. La plupart d'entre nous ne sait pas exposer l'islam comme il le faut. Beaucoup de musulmans donnent une mauvaise image de l'islam. Et les ennemis de l'islam disent, si l'islam était bien, s'il était vraiment profitable, il aurait été profitable envers les musulmans en première catégorie. Et l'un d'entre eux a dit, ça on a déjà entendu, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Donc, quand on va en prison, on voit que la plupart des gens qui sont en prison, la plupart ce sont des familles musulmanes. Et quand tu les interroges, il est en prison pour quoi ? Pour de la drogue. Ou il est en prison pour du vol. Ou il est en prison pour suite à un assassinat, etc. La plupart de ces familles sont des familles musulmanes. Et nous avons dans le messager sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre. Allah dit dans le Coran, surat numéro 33, il y a certes, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez un bon exemple à suivre dans le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc chacun d'entre nous représente l'islam et doit l'exposer de la meilleure des manières. Et cette chose-là, ce prêche-là, doit être fait avec hikmah, avec sagesse. Allah dit dans le Coran, appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Et discute avec eux de la meilleure des manières. وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. La traduction. Ou dans un autre verset, dans la sourate 41, verset numéro 33 et 34, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre, et dit, je suis du nombre des musulmans. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui que, avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Donc ce qui nous intéresse, c'est, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle, que celui qui appelle à Allah. Donc ils ont besoin de l'islam. Les non-musulmans ont besoin de l'islam. Et il faut les appeler à cela. Il faut les appeler à cet islam. Cinquième point, le fait de rester équitable envers les non-musulmans. S'ils ne sont pas en guerre avec les musulmans, s'ils ne sont pas en guerre avec nous. Allah dit dans le Coran, Allah ne vous interdit pas par rapport aux gens qui ne vous ont pas combattu en islam quant au fait de rester équitable avec eux, car Allah aime les équitables, dans la sourate numéro 60. Et ce verset a ordonné l'équité et le fait de ne pas être injuste envers eux. Exception faite à celui qui combat l'islam, il y a des règles bien précises à voir et à ne pas comprendre de travers concernant le muharibin, c'est-à-dire les gens qui combattent l'islam. On a également sixième point, le fait de ne pas transgresser sur les biens. Le fait de ne pas transgresser sur les biens des musulmans. Il est dit dans le hadith divin, hadith Qudusi, Ya ibadi, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice sur moi-même. Allah il dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice sur moi-même et je l'ai interdit à votre propos les uns envers les autres. Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et dans le hadith, les biens de mécréants. Je dis quoi? Les biens des mécréants, le fait de ne pas transgresser à propos des biens des mécréants. On parle des droits des mécréants. On a dans le hadith, man ada dhimmiyan, Cheikh la'allak tu'arrif adh-dhimmi hatta la yaqa fi khalt. Adh-dhimmi huwa alladhi ya'ish ya'ni tahta himayat al-muslimin. والذي يعيش تحت حماية الإسلام راضي قابل أنه كما هو اليوم يعني هناك من يعيش في ديار الإسلام تحت السلطة الإسلامية طيب. هذا هو الذمي طيب. وكذلك المعاهد الذي بيننا وبينهم عهود بزاك. نعم طيب يدي دونك الحديث celui qui commet du tort cause du tort un dhimmi. Un dhimmi c'est quoi? C'est un homme qui est non musulman, أهل الذمة. Les gens qui sont non musulmans et qui vivent sous une autorité musulmane. C'est ça, dhimmi, et qui payent donc ce qu'on appelle l'impôt légal, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui cause du tort à ce type de personne, un non musulman qui vit sous l'autorité des musulmans, dans un pays musulman, en dessous d'un gouverneur musulman, etc., je serai son disputeur le jour de la résurrection. Celui qui cause du tort à un dhimmi, je serai son disputeur, je serai contre lui le jour de la résurrection. وفي رواية من قتل من آذى معاهدة كنت خصمه يوم القيامة. Et dans une autre version, معاهد. La même chose avec معاهد. Donc le معاهد c'est celui. بيننا وبينهم عهود. عقود. Avec qui on a des engagements, un pacte ou un engagement entre un musulman et un non-musulman. Septième point, la clémence envers eux, le fait d'être clément envers les non-musulmans, tel que le fait par exemple de nourrir un pauvre, quelqu'un qui a faim. Ou d'aider quelqu'un qui est malade, qui a besoin de remède. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans le ciel, vous, ou celui qui est au-dessus des cieux, vous fera miséricorde. Et il a dit, Ar-Rahimun, ceux qui sont cléments, Allah leur fera le tout, ceux qui sont cléments ou miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Et il a dit dans, Allah dit dans le Coran, dans la sourate 21 à la fin, et en réalité nous ne t'avons envoyé que clémence et miséricorde pour toute l'humanité. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a été blessé lors de la bataille de Uhud. La bataille de Uhud qui a eu lieu en l'endroit de l'Égypte. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Et les associateurs, les non-musulmans, lui ont cassé la mâchoire. Et il a été blessé à la tête. Et qu'est-ce qu'il a dit derrière cela? Il a dit, Allah pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Allah pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Et dans un autre récit, quand le messager sallallahu alayhi wa sallam a pris l'autorité sur les gens, il a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Maintenant c'est moi qui ai de l'autorité sur vous. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ils ont dit, Akhun Karim ibn Akhin Karim. Ils ont dit, on te connaît, tu es un homme clément et tu es quelqu'un qui est doté de clémence. Il a dit, partez, vous êtes libre. Partez, vous êtes libre. Vous êtes libre. Donc ça c'est ce qu'on appelle la miséricorde générale envers eux. Huitième point, le fait d'accepter leur cadeau. Le fait d'accepter leurs cadeaux, de manger leur nourriture. Si ce sont des gens du livre, c'est-à-dire des juifs ou des chrétiens. Dans le verset, Allah dit, وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. La nourriture des gens qui ont reçu le livre, juifs ou chrétiens, vous êtes autorisés. وَطَعَمُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Et votre nourriture à vous leur est autorisée. Mais il dit, à la condition que ce soit égorgé conformément à notre religion. Il ne faut pas que ce soit une bête qui est qui est assommée par exemple, ou alors qui est étranglée, الخنق. Car ça ne sera pas considéré comme conforme. Et il dit dans le verset wa ta'am, la nourriture, les savants l'ont expliqué par al-dhaba'ih, c'est-à-dire les bêtes qui sont immolées, qui sont égorgées. Et non pas comme on dit, une secte qui s'appelle al-rawafid, qu'on appelle aujourd'hui les chiites. Ils ont dit la nourriture ici, c'est ce qui est sous-entendu, les fruits. Ils ont dit c'est pas la bête qui est immolée, ils ont dit ce sont les fruits. Et cette explication n'a aucune base dans notre religion. Par simple preuve que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a été invité par un juif à Médine, et il est allé, il a mangé de sa nourriture. Dans le récit, dans le hadith, il est venu, une femme juive a empoisonné le messager, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'épaule d'une bête. Et l'épaule a prononcé, a parlé, et a dit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne me mange pas, je suis empoisonné. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas exécuté cette femme et lui a pardonné son acte. Neuvième point, le fait de faire du commerce ou des transactions de vente et d'achat avec eux, avec des marchandises diverses. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a fait cela. Et il a fait un accord avec les juifs de Khaybar. Notamment, dans les textes, il est cité sur la semence. Sur la semence qui pousse de la terre, alors que c'était des juifs. Il a fait un pacte avec des juifs sur cette transaction commerciale. Également le fait d'emprunter. Le fait d'emprunter. Il est venu dans le hadith que le messager sallallahu alayhi wa sallam a laissé son armée en gage chez un juif. Et il est mort. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est mort comme cela. Il a laissé son armée en gage chez un juif pour une nourriture qu'il avait pris pour sa famille. Et il est décédé sallallahu alayhi wa sallam alors que son armée, elle est restée en gage chez juif. Et il aurait pu emprunter un autre. Le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait pu emprunter à quelqu'un d'autre. Mais le fait qu'il ait fait cela avec cette personne, c'est notamment pour montrer que c'est légitime. Ceci est autorisé et ceci est légitime. Dixième point, on a bientôt terminé, Inch'Allah. Dixième point, il n'y a pas de mal de les récompenser s'ils sont bienfaisants envers nous. Il n'y a pas d'interdiction de mal de les récompenser s'ils sont bienfaisants envers nous. Onzième point, il est autorisé de se marier avec une femme du livre. Quand on dit une femme du livre, c'est une juive ou une chrétienne. À la condition que quoi ? Que c'est une femme chaste. Il faut impérativement qu'elle soit afifa, c'est-à-dire soit une femme chaste. Le chef dit, je ne vous conseille pas de vous marier avec une femme juive ou chrétienne, même si ceci est autorisé religieusement. Il dit, recherche plutôt une femme musulmane, parce que le caractère chaste de nos jours est très rarissime. Le caractère chaste de nos jours est très rarissime. Et le mot ihsan, dans le verset, wal muhsanatu min al-mu'minat, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Le mot muhsan vient du mot ihsan. Et le mot ihsan a été déterminé par deux définitions. Il faut que ce soit une femme qui est libre, qu'elle ne soit pas esclave. Une femme libre. حُرَّة. Et le deuxième, عَفِيفَ, elle soit une femme chaste, qui soit loin de la fornication et de ces choses-là. Douzième point, le parent mécréant. Le parent mécréant, l'enfant doit être bienfaisant envers son père, même s'il n'est pas musulman. Dans le verset, Allah dit, de sens, « وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي » Si tes deux parents fournissent tous leurs efforts pour que tu me donnes des associés, si tes parents fournissent tous leurs efforts pour que tu me donnes des associés, ne leur obéis pas, mais sois bienfaisant envers eux ici-bas. Donc ici, Allah ordonne de ne pas leur obéir parce qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur, mais en même temps, il ordonne quant au fait de rester bienfaisant envers les parents, même s'il n'est pas musulman. Donc le parent, même s'il est mécréant, il a le droit sur son enfant de bienfaisance, car c'est la cause de son existence. C'est la cause de son existence. Donc dans le verset que vous pouvez voir dans la sourate 31, vers le milieu, je ne vous donne pas les numéros pour gagner un peu de temps, ou dans la sourate 29, au début, il y a les versets qui prouvent cela. Donc il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance d'Allah. Ceci est un parent, un droit du parent. Mais attention, il faut que ce soit l'amour naturel qu'il y a d'un enfant envers son parent est autorisé. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'amour pour sa religion. Si son parent n'est pas musulman, il ne faut pas qu'il ait d'amour pour sa religion, etc. نقف عند هذا وصارت لا اي جلس لو شيخ كونكلور ان شاء الله avec la formule de conclusion. ما فهمت منك ولا شيء يعني تختم الدعاء الختم. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني لو سوجي دمون بلوس مي في لو طون اون اوبليي دو ساريتي لا ان شاء الله تعالى اي اون كونتينيورا ابري اون فا فير لا بريير دو مغرب. Et il y a une pause jusqu'à 19h30 où on continuera. Le reste, je rappelle que l'Isha sera fait après la deuxième conférence. Je rappelle qu'il y a des boîtes pour les questions. Les questions, il faut les écrire sur une feuille. On va faire la prière. Il y a une pause jusqu'à 19h30. Vous pouvez vous restaurer là-bas au fond de la salle. Hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salam alaykum. Barakallahu fik. Ahsanta. Là, la prière, elle se fait dans cette salle. Il ne faut pas sortir dehors pour faire la prière parce qu'en haut, c'est pas nous. Ceux qui veulent aller faire les ablutions, il y a une salle dehors pour faire le wudu et la prière elle va se faire dans cette salle, Inch'Allah. Barakallahu fik.